J'ai une petite réunion là. À la Koulihan, on commence directement le cours, Inch'Allah. Donc, on est au 9e cours des inalitifs de l'islam de Cheikh Mohamed ibn Abdelwahab, rahimahullahu ta'ala. Et on est arrivé après une introduction qui s'est attachée à étudier les 15 règles que Cheikh Bezmoul, hafidahullahu ta'ala, a citées par rapport au tekfir. J'espère que ça c'est clair, Inch'Allah. C'est enregistré, c'est en PDF, donc vous pouvez revoir sur notre site spfvirmingham.com, Inch'Allah ta'ala. Et on était rentré dans le premier naqid. On a dit qu'il y en avait 10, on avait cité pourquoi. Et le cheikh l'avait dit pourquoi on n'en a cité que 10, parce qu'il y en a plus que 10. Donc on ne va pas revenir là-dessus, Inch'Allah. Mais on était rentré dans le premier naqid. Et on avait une discussion là, dans le cours précédent, que Cheikh Bazmoul a faite, au niveau du shirk et du kufr. L'association et la mécréance. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Et on est arrivé à la conclusion, et c'est ce qu'il va redire aujourd'hui, Inch'Allah, que le kufr et le shirk, qu'est-ce qu'il avait dit pour ceux qui étaient là? Hein? C'est tout ce qu'il a dit, c'est la même chose, il n'a rien dit d'autre. Quand ils sont ensemble, ils ont un sens différent, et quand ils sont séparés, ils ont le même sens. Il ijtama'a iftaraqa wa iftaraqa ijtama'a. Puis Cheikh, il avait dit qu'il y avait différents avis chez les ulama, et il va citer le deuxième avis que j'avais dit qu'on allait faire aujourd'hui, inshallah. Et il dit: "Wa min al-ulama man dhahaba ila anna shirk ghayr al-kufr. Wa 'ala hadha al-qawl la yasihu an yustadilla fi mawdi'i shirk bi ayatin aw hadithin waradat fihi kalimat kufr. Wa kadha al-'aks fala yasihu al-istidlal fi mawdi'i al-kufr bi hadithin waradat fihi kalimat ash-shirk. والقول الأول هو الوجيه إن شاء الله وإلا للزم أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن اعترف بالله وصرف شيئا من خصائص الله لغير الله ما يغفر له ذنبه لأن هذا شرك أما من وقع في الكفر مثلا وجحد بأن الله موجود من أصله فهذا يدخل تحت المشيئة فالقول الأول أن كلمة شرك بمعنى كلمة كفر عند مجيئها على الانفراد وكلمة كفر بمعنى كلمة شرك عند مجيئها على انفراد فإن اجتمعتا فإن كلمة الكفر وكلمة الشرك تكون كلا منهما بمعنى فتختص كلمة الشرك بما فيه تشريك لغير الله مع الله وتختص كلمة الكفر بغير ذلك وهذا القول هو الوجيه. دونك الشيخ محمد بن عمر بزمول حفظه الله تعالى parmi les savants salafis contemporains qui est toujours à la Mecque, حفظه الله تعالى, qui explique d'ailleurs le Mu'tad de l'imam Malik au Masjid de Ben Baz à la Mecque, il dit, hafidahullah, et il y a des savants qui ont l'avis que l'association n'est pas la mécréance. Selon cet avis, il n'est pas correct d'utiliser comme preuve pour l'association un verset ou un hadith dans lequel il y a le mot quoi? Mécréance. Alors on a vu que pour l'avis qu'on a cité la semaine passée, il va dire, cher, aujourd'hui d'ailleurs encore une fois, que c'est celui qui est le wajih ou le rajih pour lui, hein, eh bien c'est quoi? C'est qu'on peut utiliser, hein, une preuve. Personne? Tu me regardes, tu dis, vas-y, dis. Hein? Vas-y. Tendal. Pour? Naam. Il avait dit quoi? Et? Naam. Ahsan. Donc il dit, il y a des savants qui ont l'avis que l'association n'est pas la mécréance. Selon cet avis, il n'est pas correct d'utiliser comme preuve pour l'association un verset ou un hadith dans lequel il y a mot mécréance. Et vice versa, le cheikh, il dit. Il n'est pas correct d'utiliser comme preuve pour la mécréance un hadith dans lequel il y a le mot association. Et le premier avis est le plus correct. C'est-à-dire le premier avis qu'on a cité dans le cours précédent, il est dans le PDF numéro 8 ou dans l'audio numéro 8 sur notre site. Donc, Cheikh, il dit, et le premier avis est le plus correct si Allah le veut, Inch'Allah, le Cheikh, il dit. Et puis il continue en disant, sinon, il explique pourquoi. Lui, il voit que le premier avis, c'est celui qui est correct. Il explique, il dit, sinon, cela impliquerait qu'Allah ne pardonne pas à celui qui lui associe quelqu'un ou quelque chose, et pardonne ce qui n'est pas de l'association à qui il veut. Donc celui qui reconnaît Allah, et qui détourne l'une des spécificités d'Allah à autre qu'Allah, il ne lui pardonne pas son péché, car cela est une association. Tandis que celui qui tombe dans la mécréance, c'est ça que le point que le cheikh est en train d'essayer de faire comprendre ici, tandis que celui qui tombe dans la mécréance, par exemple, et qui mécroit au fait qu'Allah existe, celui-là serait sous la volonté d'Allah. Hein, vous avez compris l'ishkal dans ce qawl-là. Si on avait cet avis-là, les cheikhs disent, regardez, qu'est-ce que ça impliquerait. Hein, par rapport à quoi? Par rapport au verset de surat Al-Nisa. Hein, Donc, vous voyez, c'est important peut-être pour les frères qui n'étaient pas au cours précédent, ils sont peut-être un peu perdus, mais Inch'Allah, qu'ils reviennent, qu'ils essaient de comprendre aujourd'hui, sinon qu'ils reviennent aux notes du cours précédent. Et donc, le Cheikh, il dit, donc, le premier avis, et c'est le Cheikh, il dit que c'est l'avis qui est correct, est que le mot association shirk a le sens du mot mécréance, kofr. Lorsqu'ils sont cités comment? Séparément. Hein? Mais lorsqu'ils sont cités ensemble, alors le mot mécréance et le mot association ont chacun un sens différent de l'autre. On avait déjà donné différents exemples dans la charia par rapport à ça. Quel exemple on avait donné? Chez Al-Faymi, il utilise souvent ces exemples d'ailleurs. C'est quoi? Par exemple, on avait dit quoi? Le birou al-taqwa, on avait dit quoi d'autre? On avait dit l'islam al-iman, on avait dit quoi d'autre? Al-faqir wal-miskin, etc. Et le cheikh, il dit donc, le mot association, hein, donc ils sont ensemble, on dit quoi? Ils ont un sens qui est différents. Et quand ils sont séparés, ils ont un sens qui est le même. D'accord? Eh bien, le mot association est alors spécifique, parce que quand ils sont ensemble, ils ont un sens différent, mais il convient de savoir quelle est la différence. D'accord? Le shirk dit, le mot association est alors spécifique, le mot shirk est alors spécifique à ce en quoi il y a une association d'autre qu'Allah à Allah. Tandis que le mot mécréance est spécifique à ce qui est autre que cela. Et cet avis est celui qui est correct. D'accord? Puis Cheikh, il pose une question, et il dit, ça fait partie de son bon enseignement, et il dit, فَإِنْ قِلْ الشِّرْكَ الْخَافِي. On a déjà parlé du shirk khafi, et si vous voulez revoir les notes, c'était dans le troisième cours qu'on a fait, le troisième PDF, hein, on a parlé de ce qu'on appelle الرِّيَا. الشِّرْكَ الْخَافِي الرِّيَا مِنَ الشِّرْكَ الْأَكْبَرْ أَوْ مِنَ الشِّرْكَ الْأَصْغَرْ. Ça, c'est une question qu'il pose le Cheikh. Je vous la lis en français, comme ça, d'abord, comme ça, on répond ensuite. Le Cheikh, il dit, s'il est dit, l'association cachée, ce qu'on appelle الشِّرْكَ الْخَافِي, l'ostentation, ria, est-ce que cela fait partie de l'association majeure ou de l'association mineure, hein? Et vous avez remarqué que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est la khutba d'hier. Hein? C'est la khutba qu'Abu Khadija a fait hier. D'ailleurs, on avait dit que, hein, la semaine passée qu'il aurait été intéressant de faire cette partie du cours dans le cours passé. Pourquoi? Pour arriver après les deux khutbas d'Abu Khadija, ben, en vérité, alhamdulillah, regarde le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Il a fait une troisième khutbah là-dessus. Mais nous, on va résumer en français par ce chapitre-là, Inch'Allah. D'accord? Donc, il dit ici, donc vous êtes censé déjà connaître la réponse pour les frères qui ont l'habitude de suivre le cours. Est-ce que l'ostentation, est-ce que cela fait partie de l'association majeure, Eshirk al-Akbar, ou de l'association mineure, Eshirk al-Asrar? Posez-vous la question à vous-même maintenant, hein? Je ne demande pas de réponse. Normalement, vous êtes censé, pour les frères qui ont suivi le cours, ou au moins qui ont assisté à la khutbah d'hier, ils doivent être capables de répondre. Et puis on va répondre. Et Cheikh, il dit la réponse. Fait le jawab. الشرك الخفي يدخل تحت الشرك الأصغر أحيانا ويدخل تحت الشرك الأكبر أحيانا فإن يسير الرياء من الشرك الأصغر كالرياء العارض أثناء العبادة وكثير الرياء من الشرك الأكبر. Ça, on avait déjà parlé de ça. Hein? Et j'avais dit qu'Inch'Allah, c'est une notion sur laquelle on va revenir plus en détail. On avait lu quelque chose de l'Ifta par rapport à ça. C'est dans le PDF numéro 3, encore une fois. On avait fait un tafsil par rapport à ça. On avait dit quand c'est le grand et quand c'est le petit. Hein? Et on avait dit qu'on reviendra à ça, Inch'Allah, qu'on va étudier Kitab Tawhid ou bien des livres comme Sulam al-Wusul et d'autres livres dans l'Aqidah, Inch'Allah. Donc, Cheikh, il dit فَإِنَّ يَسِرْ رِيَاء مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرْ كَالرِّيَاءِ الْعَارِضِ أَثْنَاءِ الْعِبَادَةِ وَكَثِيرُ الرِّيَاءِ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ كمن يكون باعثه على العمل الرياء والسمعة فإن لم يوجد ذلك لم يعمل. Puis Cheikh, il fait une note de bas de page et regardez à quel livre il fait référence. Hein? Vous voyez que Cheikh, c'est un salafi. Et Cheikh, il dit شرح نواقل الإسلام لشيخ بن الباز شرح النجمي. Donc il fait référence, hein, à l'explication de نواقل الإسلام du grand savant l'imam Cheikh Abdelaziz bin Baz rahmatullah alayh avec l'explication d'An-Najmi. Et Cheikh, il donne la page 3 parce que c'est un livre qu'il a pris lui d'Internet. Il met qu'il a pris d'Internet en fait. On va déjà traduire cette réponse. Donc la question c'était, je répète la question, s'il est dit l'association cachée, Cheikh al-Khafi, l'ostentation, est-ce que cela fait partie de l'association majeure ou de l'association mineure? La réponse, l'association cachée entre parfois dans l'association mineure et parfois entre dans l'association majeure. Car l'ostentation minime fait partie de l'association minime. Comme, ou mineur si vous voulez, comme l'ostentation qui arrive pendant la prière. Et beaucoup d'ostentations, cela fait partie de la grande association. Maintenant, Cheikh, on a déjà expliqué ça, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire le Cheikh ici? Quelqu'un, par exemple, qui fait quoi? Qui fait la salah pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Mais il y a Riya qui arrive pendant qu'il fait sa ibadah là. D'accord? Ça, c'est quoi il a dit le Cheikh ici? Hein? On est d'accord. Hein? Puis il va parler de quoi? Il dit, et beaucoup d'ostentation, cela fait partie de la grande association, celui pour qui la raison qui le pousse à faire l'action est l'ostentation. Et que s'il ne trouve pas cela, alors qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il ne fait pas l'action, il ne fait pas l'action. On avait dit, de l'ifta, on avait rapporté de l'ifta, qu'est-ce qu'ils avaient dit par rapport à ça? C'est la ibadat qui ça? Hein? C'est-à-dire que s'il y a des gens qui vont le voir, il va prier. Hein? Mais s'il n'y a personne qui le regarde, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il ne va pas prier. Ils avaient dit qu'il ifta, c'est l'adoration de qui? De munafiqoun. Hein? Alors ici, il y a un point par rapport, parce que vous avez remarqué qu'en arabe, il a cité deux mots. Il a cité quoi? Ar-riya et As-sum'a. Or ici, en français, on a traduit que par l'ostentation. Vous voyez encore une fois l'importance d'apprendre la langue arabe. Eh bien, nous, on va faire la différence, ce qui convient de faire la différence. Il a utilisé deux mots, donc le shir a utilisé ici en arabe deux termes différents pour l'ostentation. Il a utilisé Ar-riya et As-sum'a. Ar-riya, de manière très résumée, Inch'Allah, quand on va faire des livres plus longs dans l'Aqidah comme Kitab Touhid, on va plus façal ça, Inch'Allah. C'est quoi Riyah? L'ostentation dans ce qui est vu parmi les actions. Dans ce qui est vu parmi les actions. Donc c'est lié à quel sens? À la vue. As-sum'a. Hein? As-sum'a. D'ailleurs, vous entendez déjà un sens qui est connu en arabe, c'est quoi? As-sam'a. D'accord? As-sum'a, c'est l'ostentation dans ce qui est entendu parmi les actions. Et donc c'est lié à quel sens? Hein? À l'ouïe. D'accord? Ça c'est compris ça. Qui sait me donner un exemple d'une ibada qui est vue et une ibada qui est entendue par exemple? C'est très facile. Voilà, exactement. C'est ce que le Mashiach donne comme exemple. J'ai pas voulu Fassal, mais c'est ce que Cheikh Al-Fawzani dit, c'est ce que Cheikh Al-Faymini dit. Il donne cet exemple-là, etc. Il dit quoi? Matalan, comme le fait de faire Qira al-Qur'an, etc. D'accord? Et une action qui est vue, par exemple, hein? Par exemple, d'accord. Donc c'est juste pourquoi, hein? Pour voir, c'est l'ostentation, mais c'est quoi? C'est riya et c'est sum'a. Donc je répète encore une fois, riya, c'est l'ostentation dans ce qui est vu parmi les actions, et cela donc est lié à la vue. Tandis que sum'a, c'est l'ostentation dans ce qui est entendu parmi les actions, et c'est donc lié à l'ouïe. Hein? Et moi, je conseille toujours dans mes cours, et je me conseille à moi-même et à vous-même, d'étudier ta'arif dans l'aqidah, et dans tous les sujets de la religion. C'est comme ça qu'un frère se construit, c'est comme ça qu'un talib ilm se construit, c'est étudier des définitions des ulama. C'est quoi le tawhid? Hein? Dans l'aura, dans l'istilah. C'est quoi le shirk? Dans l'aura, dans l'istilah. C'est quoi, hein, riya? C'est quoi le sum'a? C'est quoi le hukum de riya? Quand c'est un shirk akbar, quand c'est un shirk asghar, tu te fais un petit tableau, tu te fais un résumé, etc., tu te fais des petites notes, et tu les mémorises. Hein? Parce que c'est des notions qui, une fois qu'elles sont connues, alhamdoulilah, eh bien, elles sont quoi? Elles sont connues. C'est quoi l'istighatha, talab al-ghaw? C'est quoi l'isti'ana, talab al-aoun? Hein? Toutes des définitions comme ça. Et c'est quoi le dalil de ce masa'il, etc. Et c'est comme ça que tu te construis. D'accord? D'ailleurs, parmi les shurouhat qu'on pourrait faire de Kitab Touhid, même si ça va nous prendre, inshallah, si Allah nous le permet, plusieurs années pour quitter, peut-être, pour finir Kitab Touhid, même s'il y en a qui sont très résumés, il y a par exemple, i'anat al-mustafid. Hein, quel charh de qui de Kitab Tawhid? De Cheikh Al-Fawzan. Il y a aussi Al-Qawl Mufid. Quel charh de qui? De Cheikh Al-Uthaymeen. Hein, il y a le charh de Cheikh Najmi. Il y a le charh de Cheikh Salah Ali Cheikh. Il y a beaucoup de shurouhat qui sont disponibles, alhamdoulilah, qui sont imprimés. Donc hein, le choix est là. Donc je répète cette partie parce qu'elle est importante, car l'ostentation minime fait partie de l'association mineure. Comme l'ostentation qui arrive pendant la prière. Et beaucoup d'ostentations, d'ailleurs, il y a de belles paroles de Bilqayyim par rapport à ça, rahimahullah. Cela fait partie de la grande association. Comme, il donne un exemple, cher, comme celui pour qui la raison qui le pousse à faire l'action est l'ostentation. C'est pas, ça veut dire qu'il ne va pas faire pour Allah, et puis, hein, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il fait ça pour Allah, il y a l'ostentation qui arrive. Et d'ailleurs, les ulama, ils ont des discussions par rapport à ça. Hein? Quand l'ostentation elle arrive, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Hein? Tu dois la repousser. Non, c'est quoi le hukm l'a dit, estersil, comme on dit? Hein? Est-ce que, par exemple dans la prière, si c'est une raka'a, est-ce que toute sa salah elle est batila ou pas, etc. Les ulama ont des discussions par rapport à ça. C'est intéressant si vous voulez voir. D'accord? Hein? Et donc, pour celui pour qui la raison qui le pousse à faire l'action est l'ostentation. Et qu'il ne se trouve, s'il ne trouve pas cela, alors il ne fait même pas l'action. D'accord? Puis Cheikh, il continue, il dit, et là on va arriver... Il va parler de riya. Il dit, c'est quoi le sens de riya? Il dit, riya, an tadkhula fil ibadati aw fil amali taqsudullah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu rentres dans une adoration, hein, ou dans une action, que tu vas faire un acte que tu veux faire, et tu fais taqsudullah azza wa jal. Ton intention c'est quoi? Tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن يطرا عليك المراءات بها امام الناس فتزينها حتى يقول الناس والله صلاته خاشعه hein? Mais ce qui arrive c'est que l'ostentation arrive hein? Et tu veux quoi المراءات بها امام الناس tu veux que les gens te voient d'accord فتزينها حتى تقول c'est-à-dire que cette adoration que tu faisais à la base pour Allah azza wa jal tu veux quoi là l'embellir pour les gens mais tu l'as fait au début pour qui pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais là tu veux l'embellir, tu zayyunha linnas. Hatta yaqul linnas, wallah salatu khashi'a, afin que les gens disent, ouais, par Allah, hein, sa salat elle est quoi? Elle est faite avec khushu'. Mais Cheikh dit, an salama taqal, sami'tu jundaban, yaqul, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lam asma ahadan yaqul, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ghayrahu, fadanautu minhu, fasami'tu yaqul, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man samma'a, samma Allahu bih, wa man yura'i, yura'i Allahu bih. Et puis il cite le hadith par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on vient de dire, le hadith, il est dans le Bukhari et Muslim, donc c'est un hadith qui est muttafaqun alayh. On va le traduire sur le site, Inch'Allah, parce que je n'ai pas pu le traduire celui-là. Hein? J'ai manqué ce passage à la Kouli Hajj, j'étais très occupé aujourd'hui et hier aussi. An Abi Hurayra taqal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, an ana aghna shuraka ani shirk. Man amila amalan asraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Le hadith, il est connu. Hein? Et puis le cheikh, il pose une question intéressante. Il dit, ma atharu shirk. Le shirk atharun khatira. Le shirk, il a des quoi? Des conséquences qui sont dangereuses. Fa inna shirk l'akbar mukhrijun min al-millah. Wa huwa fi hadhihi al-hala naqidun min nawaqid al-islam. Il dit que le shirk, l'association qui est majeure, eh bien, elle fait sortir de la religion. La'adhu billah min dhalik. Qu'Allah nous préserve de cela. Et donc là, c'est quoi? C'est un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. J'avais dit que le mot annulatif, hein, c'est quoi? Ou le mot, c'est le mot qui est très connu en général, que les mots utilisés en français, etc. Même s'il y a des meilleurs mots, hein, annulatif de l'islam. Et c'est le sujet du cours. C'est le sujet des cours qu'on fait, du livre qu'on fait, c'est l'étude des nawaqid de l'islam. Et on avait dit qu'il y a une différence entre un naqid et un naqis. Cheikh Abdel Razak, le bas dans son explication, il explique la différence entre nawaqid l'islam et nawaqis l'islam. D'accord? Pourquoi? Parce que nawaqid, c'est qui annule l'islam complètement, tandis que nawaqis, c'est quoi? Qui diminue, qui réduit, hein, qui diminue l'islam de quelqu'un. D'accord? On ne va pas refaire toute la discussion sur c'est quoi naqid et d'où ça vient, naqada, hein, par rapport à naqadat ghazlaha dans le Coran, etc. On ne va pas dans le sens linguistique et puis dans le sens shara'i, etc. On ne va pas répéter tout ça. C'est dans le premier PDF et dans le premier cours audio qu'on a fait. Amma idha kana shirkan asghar fa innahu yubtilu al-amala min aslihi. Tandis que si c'est une association mineure, eh bien ça annule l'action à sa base. Vous avez remarqué la différence? Hein? On a dit quoi pour l'association majeure? Elle fait quoi? Elle annule, hein? L'islam de quelqu'un. Là, c'est les sorties. Tandis que celui qui fait un shirk asghar, فإنه يبطل العمل من أصله. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Sourate Zumar. Et là, c'est le verset de Sourate Zumar. Puis Cheikh il dit, فالشرك يحبط العمل. وأصل الحبط أن تأكل الماشية فتكسر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها. يقال حابطة الشه بالكسر. فالعمل الذي فيه رياء هيئته هيئة عمل ولكنه لا خير وراءه. Parce qu'il est en train de faire, il est en train de dire que le shirk يحبط العمل. Ça veut dire quoi يحبط؟ C'est-à-dire que hein? En français, il rend caduque, il est nul, il annule complètement l'action. Donc, il fait un point linguistique qu'on va traduire sur le site, Inch'Allah. Hein? Je laisse ça pour plus tard. Et il dit quoi? Il dit, ce qui est important de comprendre ici, c'est فَالْعَمَلْ لَا دِفِهِ رِيَا هَيْأَتُهُ هَيْأَتْ عَمَلْ. C'est-à-dire qu'une action dans laquelle il y a de l'ostentation, ça a l'apparence de quoi? D'une action. وَلَكِنَهُ لَا خَيْرَ وَرَاءَهُ. Mais il n'y a aucun bien derrière cela. مِثْلْ انْتِفَخْ بَطْنَ نَاقَةٍ وَلَا سِمَنْ وَلَا لَحْمَ تَحْتَهُ. Comme hein, le gonflement du ventre d'une chamelle dans lesquels il n'y a pas de semen, il n'y a pas de viande. Hein? C'est-à-dire quoi? Il n'y a rien dedans. D'accord? Et puis, Cheikh dit, « Hal murad bi shirk alladhi la yaghfiru Allah al-shirk al-akbar ou yashmalu dhalika al-shirk al-asghar ?» Et Cheikh, il fait une discussion, il dit, est-ce qu'il y a entendu ici, ce qui est entendu par un shirk, par l'association, qu'Allah ne pardonne pas, est-ce que c'est le shirk akbar, l'association majeure, ou bien est-ce que cela comprend aussi l'association mineure? C'est important de comprendre ça, parce que quelqu'un va peut-être se poser la question et dire, on a compris que l'association majeure, ça fait sortir de l'islam. On a compris que l'association mineure, hein, ça ne fait pas sortir de l'islam. Mais ça annule l'action. D'accord? Maintenant, quelqu'un va se poser une question qui est légitime, c'est dire, est-ce que ce qui est voulu par le shirk, qu'Allah ne pardonne pas l'association majeure, ou est-ce que cela comprend aussi l'association mineure? La réponse, le shirk dit, « Min ahli al-ilm min dahaba ila anna al-murad bi shirki fil aya huwa shirk al-akbar al-mukhrij min al-millah. » Certains gens, parmi les gens de science, ont l'avis que ce qui est entendu par l'association dans le verset, c'est l'association majeure qui fait sortir de l'islam. وَالْآيَةُ عِنْدَهُ لَا تَشْمَلُ شِرْكَ الْأَصْغَرُ وَالْخَفِي. Donc pour ce genre de savants-là, hein, pour ces savants qui ont cet avis-là, eh bien le verset ne comprend pas l'association mineure et l'association cachée. D'accord ? فَاللَّهُ لَا يَغْفِرُ شِرْكَ الْأَكْبَرُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. Et Allah pardonne l'association majeure, ne pardonne pas l'association majeure et pardonne ce qui est en dehors de cela. D'accord ? وَمِنَ الْعُلَمَاء. Et il y a des savants qui disent, من ذهب إلى أن المراد بالشرك في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Sourate Nisa. Certains ulama disent qu'on a vu que ce qui est voulu dans ce verset de Sourate An-Nisa, auquel on a déjà fait référence plusieurs fois, eh bien, qu'est-ce qui est voulu comme association? عموم الشرك سواء كان كبيرا أو صغيرا. À la fin, je vais rapporter un résumé qu'on a fait de Cheikh Obeid, jazallahu khairan, hein, qui résume bien ça aussi. Il dit, certains ulama disent que c'est le shirk en général. Le verset qui dit quoi? Qu'Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, il pardonne en dehors de cela à qui il veut, et bien que ce verset-là, il comprend l'association en général. Hein? Que ce soit l'association majeure ou l'association mineure, d'ailleurs il comprend les deux. لأن المصدر في قوله أن يشرك به بتقدير المصدر من من أشرك يشرك شركا تقدير الآية إن الله لا يغفر شركا به. Il rapporte un point dans la linguistique pour dire que ici dans le تقدير du verset c'est إن الله لا يغفر شركا به. Allah ne pardonne pas une association, hein, qu'il soit associé, qu'on lui associe une association شركا به. فهو نكرة في سياق النفي. C'est donc quoi? Quelque chose d'indéterminé, hein, en français c'est indéterminé, nakira, hein, qui est indéterminé, fisiq nafi, dans le contexte de quoi? D'une négation. Et ça c'est une règle dans l'usul, qui dit fayufid al-umum. D'accord, hein? Vous voyez que l'usul, il revient souvent, etc., et que la langue arabe, elle est importante, sinon on ne va pas comprendre ce genre de masail-là. Si on ne sait pas même pas c'est quoi nakira, hein, et le ma'rifa, on ne va rien comprendre ici. D'accord, nakira, fisiq nafi, ta'um, c'est ce que les disent les ulama. D'accord. C'est-à-dire, en résumé, ce qu'il faut comprendre ici, pour ne pas rentrer dans des choses trop techniques au niveau de la langue arabe, eh bien c'est quoi que ce verset, il est général. Pourquoi? Pour les deux genres d'associations de shirk. Et donc, là-dessus, en se basant là-dessus, selon cet avis-là, donc le mot association ici, c'est une parole qui est générale, ou générique plutôt en français, et donc qui englobe, quoi? Tous les genres d'associations, dans ce verset-là. D'accord? Que ce soit une association majeure ou une association mineure. On a dit qu'on peut aussi dire quoi? Une grande association ou une petite association. D'accord? Donc, l'association, toute l'association, tous les genres d'associations, Allah ne les pardonne pas, que ce soit majeur ou mineur. Que ce soit dans les paroles, les actions ou les croyances. فالشرك لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك من الكبائر والمعاصي التي ليست من جنس الشرك. Donc maintenant il y a peut-être quelqu'un qui va se poser la question et dire, en quoi elle réside la différence alors, hein? Maintenant on a cet avis là que le verset il est quoi? Il est général et qu'il englobe l'association majeure et l'association quoi? Mineure. Et donc Allah Azza wa Jalla, il ne pardonne pas l'association dans ces deux types. Alors c'est quoi la différence alors? Hein? Ben on l'a déjà dit en partie, c'est quoi? C'est que l'association majeure, elle fait sortir de l'islam. Hmm? Et Cheikh Obed, il dit un point, un bénéfice, il dit, il a cet avis-là. Il dit que les deux ne sont pas pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la différence, c'est que l'association mineure, si la personne ne s'en repent pas, qu'est-ce qui se passe? Hein? Elle est châtiée? Hein? Mais après? Ah, voilà, c'est ça ici. Hein? Non, pourquoi? Parce que on a dit que c'est l'association majeure qui fait sortir, hein, de l'islam. Et donc, et qui fait que la personne est vouée à l'enfer de manière éternelle. Wal'iyadu billahi min dhalik. Hein? Donc, Cheikh dit, fait shirk la yaghfiruhu Allah. Wa yaghfiru ma duna dhalika min al-kaba'iri wal-ma'asi allati laysat min jinsi shirk. وهذا فرق الكبائر التي من جنس الشرك والكبائر التي ليست من جنس الشرك فإن الكبائر التي من جنس الشرك على هذا القول لا يغفرها الله سبحانه وتعالى والكبائر التي ليست من جنس الشرك تحت المشيئة قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc Allah ne pardonne pas l'association. Et il pardonne en dehors de cela les grands péchés et les désobéissances qui ne sont pas du genre de l'association. Et telle est la différence entre les grands péchés qui sont du genre de l'association et les grands péchés qui ne sont pas du genre de l'association. Comprenez? Et on avait dit quoi d'ailleurs par rapport au kaba'ir dhunub? On ne parle pas de shirk, là, on parle des péchés. Comme quoi, par exemple? Zina, par exemple, comme quoi? Hein? Sariqa, par exemple, quoi? Hein? On avait donné d'ailleurs une définition. Parce que les ulama, comment ils savent qu'un péché c'est un grand péché ou un péché qui est mineur? Eh bien, ils ont donné des définitions en fonction de la compréhension de la sunna, etc., du corps de la sunna. Et dans ces définitions-là, elles sont précises. Et tout péché qui rentre dans ces définitions-là, eh bien, c'est un grand péché. D'accord? D'accord? Par exemple, qui s'est donné un exemple? Un des points dans ce qu'ils ont dit par rapport à leur définition. On avait déjà cité ça dans un des cours. Hein? Quand par exemple, il y a une menace de feu. Hein? Finnar, par exemple. Ou bien, il y a quoi? Il y a le fait d'essayer en santé. Bari. Hein? Ou bien, les samina, comme on avait dit. Comme il y avait d'autres aussi. L'ana. La malédiction. Etc. D'accord? Ça, c'est des choses qui font quand les ulama, ils disent que quand c'est ça, eh bien, c'est un grand péché. D'accord? Donc, tout ça, c'est disponible sur notre site. Ça, c'est disponible sur notre site. Et on avait fait tout un article de Cheikh Ali al-Haddadi, qui est parmi les Cheikhs Salafis de Riyad. Hein? Il a fait un article qui s'appelle La position des gens de la Souda du consensus sur Murtakib al-Kabira, celui qui commet un grand péché, d'accord, parmi les musulmans. On avait vu que quoi que la croyance d'Ahl Sunnah al-Jama'a, avec unanimité, sans divergence, c'est que quoi qu'il est? Hein? On avait dit, retenez cette définition-là, on a dit quoi? Mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabirati. Et tu as raison, elle est naqis l'iman bi la shak. C'est-à-dire quoi? C'est que le musulman, par exemple, qui fait zina, d'accord? Ou qui fait, par exemple, qui fait un grand péché, eh bien, il est quoi? Il est toujours musulman, mais sa foi est diminué, bien sûr, bien sûr. Donc, il est croyant de sa croyance, ou il est croyant par sa foi, mais il est pervers en raison de son grand péché. Mais ici, on avait dit quoi? C'est que quand il ne croit pas que c'est halal ce qu'il fait, que c'est licite. S'il fait ce grand péché en croyant que c'est halal, que c'est licite, qu'est-ce qui se passe? Là, ça y est, il sort de l'islam à ce moment-là. Et on avait dit que la position de la sunna, des gens de la sunna du consensus, elle est entre deux extrêmes. D'un côté, il y a qui? Ceux qui disent que celui qui commet un grand péché par le musulman, c'est plus un musulman, c'est un kafir, c'est qui? Khawarij. Et en extrémité aussi, il y a qui d'autre avec eux? Al-Mu'tazila. Hein? Sauf que le Mu'tazila, ils disent que dans Dunya, c'est quoi? Il est fait manzilatin baina al-manzilatin. Il est dans un degré entre les deux degrés. Il n'est pas ni croyant ni kafir. Mais sur l'akhira, ils sont d'accord avec qui? Avec le Khawarij. Tandis que le Murji'a de l'autre côté, il est laxiste, et ils ont dit quoi? Non, que c'est un croyant, mais il est. Sa croyance, elle est parfaite. Yani, elle a diminué en rien, il a la complétion de la foi. Pourquoi? Parce que pour eux, les actions ne font pas partie de la foi. Et vous voyez que dans tous les chapitres de la religion, Al-Sunnah al-Jama'a, les gens de la Sunnah du consensus, les Salafis, les gens du Afar, ils sont toujours au milieu, au juste milieu. Sont toujours juste au milieu entre deux extrêmes. Comme les musulmans, hein, la communauté de l'islam, elle est, hein, Ummat al-Wasat, la communauté du juste milieu. D'accord? Le juste milieu, pas le juste milieu comme prétendent les hizbiyyin, hein. C'est le juste milieu des dalil. Est-ce que moi, faire le kitab ou sunna al-fam salaf salih? D'accord? Parce qu'il ne parle pas sur al-bida'a, il dit non, on est juste milieu. Oui, il est juste milieu. Toi, tu as clé laxiste. D'accord? D'ailleurs, certains, ils appellent même leur site al-wasat, al-wasat 29. Hein? Etc. Là. C'est pas parce que tu t'appelles wasat que tu es sur l'wasatiya. Hein? L'asma, les ulama disent, l'asma la tughir al-haqa'iq. Tu peux t'appeler comme tu veux, ta réalité, c'est ta réalité. Combien de gens ils prétendent hein, qu'ils sont quoi? Salafis. Ils portent les tendas, hein, ils sont là, un grand drapeau, je suis salafi, je suis salafi. Tes actions, ne sont pas les actions d'un salafi. Ton ménage, c'est pas le ménage salafi. Hein? Comme on avait dit, le vers de poésie que les ulama cite beaucoup, c'est quoi? Kullun yadda'i wasla li layla, wa layla la tuqir lahum bidaka. Tout le monde dit layla la à moi. Hein? Mais layla n'est pas d'accord avec eux. Hein? D'accord? On continue. Le cheikh il dit, car selon cet avis, les grands péchés qui sont du genre de l'association ne sont pas pardonnés par Allah le Très-Haut, et les grands péchés qui ne sont pas du type de l'association sont sous la volonté d'Allah. Et ça, on avait parlé de ça quand on avait parlé de Murtakib al-Kabira, le mu'taqad al-Sunnah al-Jama'a, la croyance des gens de la Sunnah du consensus, c'est que le musulman qui meurt en ayant commis des grands péchés, mais pas le shirk, c'est-à-dire qu'il est sur le tawhid, hein, il n'est pas sorti de l'islam, il n'a pas. D'ailleurs, il est musulman, il n'est pas sorti de l'islam, il est mort musulman. Mais il a commis des grands péchés et il ne s'en est pas repenti. Hein? Il ne s'en est pas quoi? Repenti. Qu'est-ce qui se passe? Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si Allah veut, il lui pardonne par quoi? Par miséricorde de sa part. Incha'a ghafara Allahu lahu fadlan minhu subhanahu wa ta'ala. Wa incha'a azabahu adlan minhu subhanahu wa ta'ala. Et s'il veut, il le châtie par justice de sa part, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, il cite un verset du Coran, le shir ici, il dit, et c'est le verset de surat Nisa, c'est la fin, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. À part cela, il pardonne à qui il veut. Donc, par rapport à quoi? Pour la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et puis il dit, وَقَدْ جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Hein? Et là, vous voyez bien que c'est le même texte qui est ici dans la khutba hier. Pourquoi? Parce que Abu Khadija, il a pris cette khutba exactement en lisant ces pages que je suis en train de lire en fait. Le verset de surat Maïda, le sens de la traduction de la parole d'Allah. Et Cheikh dit, il y a dans un autre verset, c'est dans la traduction du sens est, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Surat al-Ma'idah, verset 72. Puis on avait dit que quand on apporte un dalil, on apporte un verset ou un hadith, c'est ce qu'on appelle quoi? Wajh al-dalala. Cheikh dit, wajh al-dalalati, c'est-à-dire le thème argumentatif. Tu amènes un hadith, tu amènes un verset, pourquoi tu l'as amené par rapport à ce que tu dis? Hein? C'est important qu'un talib ilmi sache faire ça, qu'il comprenne ça. Eh bien, c'est quoi? وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَا تَحْرِيمَ الْجَنَّةِ لَا يَكُونُ بِالشِّرْكِ فِي الْقَوْلِ كَالْحَلِيفِ بِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ قَالُ الرَّجُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتْ أَوْ بِالرِّيَاءِ أَوْ بِالشِّرْكِ الْأَصْغَرِ كَتَعْلِيقِ تَمِيمَةٍ التَّمِيمَةُ وَالْحَلْقَةِ. تَمِيمَةُ وَالْحَلْقَةِ. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. D'où vient le mot tamima? Vous avez sûrement entendu ça. Tamima, ou bien peut-être le pluriel tamaim. En français, on traduit ça en général par quoi? Par amulette. D'accord? Hein? Ou talisman, des choses comme ça, d'accord? Mais en arabe, il y a une raison pourquoi ça s'appelle tamima. Parce que comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen dans le Sharh Kitab Tawhid, hein, il a dit quoi? Yatimmu bihi, yataqidun, eux ils croient que yatimmu bihi raf' al-ayn. Par cela, ça se concrétise, hein, la levée du mauvais œil. C'est pour ça qu'ils appellent ça tamima. On va voir ça dans un instant, Inch'Allah. وعليه فإن أسلوب الآية من باب العام الذي يراد به الخاص والله أعلم. Donc, Cheikh, il dit, le témoin argumentatif ici dans ce verset est que l'interdiction du paradis par rapport à quoi il a dit, le verset dit quoi? Hein? Faqad harrama Allah, harrama Allah alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Donc ici, hein, c'est quoi que le janna pour lui elle est haram. Donc Cheikh il dit ici, l'interdiction du paradis n'est pas en raison de l'association dans la parole comme du juré par autre qu'Allah. Ou la parole de l'homme, ce que Allah veut et ce que tu veux. Mais on dit pas ça, on avait déjà dit ça dans un des cours. On dit quoi? On dit, Masha'Allah, wahdah. Hein, ce que Allah veut seul. Ou bien si tu dois dire quelque chose, tu vas dire quoi? Masha'Allah, thumma shi'at. Mais tu ne dis pas waouh. Pourquoi? Parce que waouh, ça met. Hein, la langue, hein, dans la langue arabe, ça fait quoi? Hein? Naam. Donc tu ne dis pas ce que Allah veut et que tu veux. Donc si vous entendez quelqu'un dire, corrigez-le d'une bonne manière, gentiment, expliquez-lui le hadith, etc. Mais ça, c'est des, hein, ce qu'on appelle akhta dans l'alfad, et ça rentre dans shirk al-asghar. Regardez ce qu'il a dit le shirk ici, il a dit ce que Allah veut et que tu, ce que tu veux. D'accord? Ou que quelqu'un jure par autre qu'Allah. Mais on avait dit que des fois, même le fait de jurer par autre qu'Allah, ça peut arriver au degré, hein, de l'association quoi? Majeure, attention. On avait expliqué pourquoi et quand, etc. On ne va pas revenir là-dessus. D'accord? Donc, Cheikh, il dit ce que Allah veut, ce que tu veux, ou l'encantation, ou l'association mineure, comme le fait d'accrocher un talisman, ou une amulette, ou un anneau. Donc, il a utilisé deux mots ici, le Cheikh. Il a dit Tamima et l'Halqa. C'est quoi la différence? Eh bien, Tamima, ça vient du fait car il voit, comme j'ai dit, qu'avec cette amulette se concrétise Yatim Mobihi Raf al-Ain. La levée du mauvais œil. Je vous donne une référence si vous voulez voir. Al-Qawl Mufid de Cheikh Al-Uthaymeen, volume 1, page 178. Hein, comme il y a Anat Mustafid, il y a deux volumes. Et Cheikh Al-Uthaymeen, Al-Qawl Mufid, il y a 1200 pages, il y a deux volumes aussi. Maintenant, par rapport au terme Al-Halqa. Hein, Al-Halqa. Le mot utilisé en arabe ici qu'on a dit, c'est quoi? C'est Al-Halqa. Eh bien, là, nous, on traduit ça par anneau. Pourquoi on a traduit ça par anneau? Parce que c'est un objet, l'halqa dans la langue arabe, c'est un objet circulaire. Un objet circulaire qui est mis autour du haut du bras, ou de l'avant-bras, ou du doigt. Hein? Ce qu'on appelle halqa. Et d'ailleurs, ce qui est circulaire est appelé halqa. Comme lorsqu'un groupe de gens s'assoit en cercle. On appelle quoi halqat al-ilm? Hein? D'ailleurs, vous avez un bab dans Riyad Salihin qui s'appelle comment? Bab, fadl, hilaq al-zikr. Hein? D'ailleurs, il y avait une histoire qu'un des douats en Hollande il avait raconté par rapport à Tablir qui lisait Riyad Salihin. Comme, et Wallah, Cheikh Al-Albani, il avait raison, rahmatullah, il ne savait même pas le lire. Même le texte, s'il n'explique pas, il ne savait même pas le lire. Hein? Quand il n'y a pas de voyelle, etc. Et il a dit, hein, Bab, je le dis ou je ne le dis pas? Vous avez deviné? Hein? Moi, je ne le dis pas, parce que c'est enregistré, il y a des gens qui nous écoutent. Hein? Peut-être des sœurs qui nous écoutent, etc. Si vous voulez, je vous le dis en off tout à l'heure, Inch'Allah. D'accord? Hein? Vous voyez le gel de ces gens-là? Hein, vous changez juste les harakat de hilaq al-dhikr, vous allez comprendre. Hein? Wallah al-musta'an. Ça ne nous étonne pas de jamais à tablir. Et donc, Cheikh, il dit, parce que ça, j'ai tiré le fauzan, ce qu'il dit sur le halqa ici. Il dit, comme lorsque les gens sont assis en groupe, en cercle. On appelle ça quoi? Une halqa. Une halqa. Donc, vous comprenez le mot halqa, hein, le fait de ce qu'on appelle qui est circulaire. Halqa, hilaq, par rapport au cercle d'assises dans la science, on appelle hilaq al-zikr, hilaq al-ilm. Hein, juste pour vous donner une indication par rapport d'où vient le mot, halqa. Donc, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ce qu'on appelle une halqa, que ce soit au doigt, ou à l'avant-bras, ou dans le haut du bras, etc. Ou ils se mettent des talismans, etc. C'est ça que le cheikh parle ici. Wa alayhi fa inna uslub al-aya min bab al-'am alladhi yuradu bil khas, wallahu a'lam. Donc, cheikh, il dit, donc le style du verset est donc de l'ordre du général par lequel on veut le spécifique. Et Allah le plus savant. Puis Cheikh dit: "Wa'lam anna al-'abda idha taba min ash-shirk wa sa'ir adh-dhunub fa inna Allah yaqbalu tawbatahu." Qala Allah tabaarak wa ta'ala: "Qul ya 'ibadi alladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Fadhihi al-ayatu fi haqqi at-ta'ibi min adh-dhanb. Cheikh dit: "Et sache que si le serviteur se repent de l'association et de tous les péchés, Allah accepte alors son repentir." Évidemment, quelqu'un, hein, alhamdulillah, on a certains de nos frères et de nos sœurs qui sont convertis à l'islam, wallah alhamd, c'est pas que ça y est, t'es dans le grand shirk, tu restes dessus, là. Et ça, il fait tawba, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que même s'il a, ça arrive, wallah adou bilakal, on nous en préserve, hein, que certains de nos frères ou de nos sœurs, ils quittent l'islam. Hein, et nous, on leur recommande vivement de revenir vite à l'islam, avant qu'ils meurent dans cette hala, hein, dans cette situation de mourir mécréant, wallah adou billah. Hein? La tawba, elle est possible. Alhamdulillah, l'insan il revient et Allah Azza wa Jalla lui pardonne. Donc, Cheikh il dit: et sache que si les serviteurs se repentent de l'association et de tous les péchés, Allah accepte alors se repentir. Et Cheikh, les gens de la sunna ils parlent avec Dalil. Ils parlent avec Dalil. Et c'est un verset du Coran. Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est: dit, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Zumar, verset 53. Et regardez, écoutez la précision du cheikh. Cheikh, il dit quoi? Il dit, ce verset est au sujet de celui qui se repent du péché. Celui qui se repent quoi? Du péché. Parce que cheikh, il a dit, regarde le verset, qu'est-ce qu'il dit dans Sourate Zumar. Car Allah pardonne tous les péchés. Mais cheikh, il dit quoi? Ce verset, il est pour celui qui se repent. C'est-à-dire que même si dans le kufr ou dans le shirk, et tu te repens, Allah pardonne. Voilà, qu'on a dit quoi? Si tu meurs sur le grand shirk ou tu meurs sur la grande mécréance, qu'est-ce qui se passe? Hein? On a dit que l'association, Allah Azza wa Jalla ne la pardonne pas. Hein? Et que la mécréance, Allah Azza wa Jalla ne la pardonne pas. Donc cheikh, il dit, فَإِنْ لَمْ يَتُوبْ مِنْ ذَنْبِهِ فَإِنَّ شِرْكَ. Maintenant, l'autre situation. Maintenant, il ne se repent pas, l'a'udhu billah, de ce péché-là. فَإِنَّ شِرْكَ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَسَائِرُ الذُّنُوبِ غَيْرُهُ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا فَالشِّرْكُ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ الْعَبْدُ مِنْهُ مِنَ الذَّنْبِ غَيْرِ الشِّرْكِ فَهُوَ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ. Voilà, ça c'est pour les frères qui ont peut-être pas trop suivi, surtout s'ils n'ont pas suivi les cours précédents. Là, il va vous donner un résumé. Et ça se prouve l'importance de prendre la science des ulama et de prendre la langue arabe que vous puissiez prendre directement des ulama. Pourquoi? Regardez le bon enseignement. Il parle avec précision dans des affaires qui sont de l'ordre de la aqida, où la personne doit être précise. Et il parle avec un usloub qui est ilmi aussi, avec une manière et un style qui est ilmi, avec des questions, avec une pédagogie, avec un résumé, etc. Donc l'importance de prendre non seulement des gens de la sunna, mais de prendre des ulama parmi les gens de la sunna. Et donc cheikh, il dit, s'il ne se repent pas de son péché, Allah ne le pardonne pas, ne lui pardonne pas, et tous les autres péchés sont sous la volonté d'Allah le Très-Haut. Allah dit, et on parle de quoi ici? Quand il a dit Allah ne le pardonne pas, hein? On parle de quoi? Du shirk. Et il cite un verset dans la traduction du sens, est, à part seul, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Le verset est clair. À part cela, il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Surat Nisa, verset 48. Et puis c'est un autre verset dont la traduction du sens est, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Surat Nisa, verset 116. Donc, cheikh, il dit, et c'est la conclusion, Allah ne pardonne l'association qu'avec le repentir. Et ce dont le serviteur ne se repent pas comme péché en dehors de l'association, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il est... Si vous suivez, vous avez suivi, au moins même aujourd'hui, vous savez répondre. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je répète cette phrase qu'elle est importante. Donc Allah ne pardonne l'association qu'avec le repentir, qu'avec Tawbah. Et ce dont le serviteur ne se repent pas. Maintenant quelqu'un par exemple ne se repent pas de péché en dehors de l'association. Qu'est-ce qui se passe? Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et écoutez, vous allez voir le danger du shirk. Ça Abu Khadija l'a dit dans la khutbah, on va le redire en français inchallah. Al-maqsoud min anna min athar al-shirk. Regardez. Pourquoi les ulama ils parlent de ces masaïls-là? Parce qu'on avait dit au tout début dans le premier cours que il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi ce cours-là et ce livre-là. Première raison, c'est parce que l'aqida c'est important, c'est pour ça que commencent les gens de la sunna. On a déjà fait plusieurs livres, alhamdoulilah, et c'est un des livres qu'on voulait faire. Et surtout qu'on parle de nawaqid de l'islam. Des choses qui annulent l'islam de quelqu'un, qui peut faire sortir quelqu'un de l'islam ou l'a'adhou billah. Donc l'importance de les connaître pour pas tomber dedans. D'accord? Hein? Comme les ulama ils disent, tu connais le tawhid, mais tu dois connaître le shirk. Tu dois connaître la sunna, tu dois connaître la bid'a. Pourquoi? Ben, le tawhid pour l'appliquer, y appeler, etc. Et le shirk pour l'éviter et mettre en garde contre le shirk et s'innocenter du shirk et des gens du shirk, etc. D'accord? Et on avait dit une des raisons pour laquelle j'avais choisi de faire ce cours, c'est par rapport à l'introduction dans les 15 règles dans le tekfir, pour pas qu'il y ait des ambiguïtés par rapport au tekfir. Parce qu'il y a beaucoup de groupes. On ne parle pas de nos frères salafis ici. Alhamdoulilah, notre salafi, on ne parle pas des frères salafis. On parle des gens qui se revendiquent ou pas de la salafia, mais qui ne sont pas salafis et qui sont soit haddadis, soit tekfiris. Et j'ai dit, je le redis, relisez, lisez ce qui s'écrit sur les forums salafi des mashayikhs, etc. Vous allez voir qu'ils parlent beaucoup d'un nouveau genre de haddadiyya, etc. Et pour les gens qui sont anciens dans la da'wah, ils savent très bien de qui je veux parler, de quel genre de personne je veux parler. Hein? Les haddadiyya sont très dangereux. D'accord? Et les ulama, ils ont écrit des livres sur les haddadiyya. D'accord? Donc, parce que ces gens-là, ils essaient de mettre des ambiguïtés aux gens de la sunna. D'accord? Comme Cheikh Mohamed Al-Aqili l'a dit. Il a dit, la manière dont certains traitent l'udr bil jahl comme ils en parlent aujourd'hui, c'est pas connu ça chez nous, les gens de la sunna. C'est nouveau et ça vient de tekfiri, il dit. Cheikh Rabi, il dit, méfiez-vous des gens qui parlent beaucoup de cette mas'alala, qui essaient de parler tout autour de cette mas'alala d'udr bil jahl, de dire qu'il n'y a pas d'udr bil jahl, d'y appeler, de faire le walal bara là-dessus, etc. Il a dit quoi? Il a dit, faites attention, c'est des haddadi. Donc Cheikh, il dit, et regardez le danger et les conséquences du shirk. Al-maqsoud anna min athari shirk. Ce qui est voulu, ce qui fait partie des conséquences de l'association. Khurujou sahibihim min al-islam. La sortie de celui qui la commet de l'islam. Anna sahibahu la yaghfiru Allahu lahu yawm al-qiyamah. Idha lam yatub fi dunya, fa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Celui qui commet l'association, Allah ne lui pardonne pas le jour de la résurrection s'il ne s'en est pas repenti dans ce bas monde. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe. Troisième. Anna sahibahu min ahli an-nar bal huwa min al-mukhalladin fiha. Qala ta'ala: "Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Que celui qui la commet fait partie des gens de l'enfer. Mais de plus, il fait partie de ceux qui y seront éternellement. Allah dit ce dont la traduction du sens est, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureurs. Surat al-Ma'idah, verset 72. Troisième. بطلان العمل وحبوطه جميعه إذا كان شركا أكبر وبطلان العبادة التي رأى فيها أو سمع بها. Quatrième point, quatrième conséquence de l'association, hein, conséquence gravissime de l'association, c'est quoi? C'est la nullité et la caducité, c'est-à-dire que c'est caduque et nul, de quoi? De toutes les actions. Vous avez compris ce point-là? C'est-à-dire, imaginez-vous quelqu'un, il fait toutes les actions pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Mais il y a une action, une anecdote d'adoration qui vaut autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui se passe avec toutes les actions? Hein? Elles sont nulles et caduques, l'adou billah. Regardez le danger du shirk l'akbar. Et le danger de le kufr l'akbar. Ou l'asghar. Hein? Nous on parle de danger, mais on garde tous les genres du shirk. Mais ici on parle de quoi? Hein? Hein? Du shirk l'akbar. Et Cheikh dit la nullité et la caducité de toutes les actions si c'est une association majeure. Et la nullité de l'acte d'adoration dans lequel il y a eu de l'ostentation en voulant qu'on le voit. C'est-à-dire qu'il fait cet acte d'adoration pour qu'on le voit. Ou en voulant qu'on l'écoute. Par rapport à quoi? Riya et As-Sum'a. C'est-à-dire que soit qu'il veuille qu'on le voit faire cet acte d'adoration, soit qu'il veuille qu'on l'écoute faire cet acte d'adoration. D'accord? Hein? Et bien cet acte d'adoration, il y a cette ostentation, qu'est-ce qui se passe avec cet acte? Il est nul et caduque. Il n'est pas accepté. D'accord? Maintenant, avec l'association majeure, c'est que toutes les actions sont nulles et caduques, l'adou billah. Puis Cheikh il dit: Wa min athari ar-riddati fi dunya idha thabata al-kufr 'ala man kana muslima. Cheikh il dit: parmi les conséquences de l'apostasie, ar-ridda. D'accord? Vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a parlé des règles du tekfir, etc. On a parlé de qui? On a parlé du kafir asli ou on a parlé du murtad? Les 15, c'est, ne faites pas peur, hein, les frères, on a fait 7 cours, hein, hein, les 15 règles. Hein, d'accord? On a dit quoi? On parlait de qui? Non! Parce que les ulama, ils font la différence entre le kafir, l'asli ou le kafir. Al-Murtad, le kafir, il y a là-bas, c'est kafir. Par exemple, qui? Al-Nasrali, le Yahoudi, Al-Qadiani, etc., etc. D'accord? Hein? Ben c'est quoi? C'est un kafir quoi? Asli. Et puis il y a le musulman qui tombe dans un acte de ridda. C'est pour ça qu'il y a des chapitres qui s'appellent hein, Kitab Ridda, qui s'attachent à étudier ce qui touche l'apostasie. C'est-à-dire que quelqu'un il est musulman, mais il fait un acte d'apostasie et il quitte l'islam à cause de cet acte ou de cette parole. Hein, on avait dit parole ou croyance ou acte, etc. D'accord? Cheikh, il dit, parmi les conséquences de l'apostasie dans ce bas monde, si la mécréance est affirmée en ce qui concerne celui qui était musulman. Écoutez le danger de ça. An yufarraqa baynahu wa bayna zawjihi. Il est séparé de son épouse. An la yarith wa la yurath. Il n'hérite pas et on n'hérite pas de lui. An la yudfana fi maqabir al-muslimin. Il n'est pas enterré dans les cimetières des musulmans. An yu'amala mu'amalat al-kafirin wa yatabarra'a minhu wa man wa min kufrihi. Il est traité comme les mécréants sont traités et on s'innocente de lui et de sa mécréance. أن لا يدخل مكة المكرمة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم سورة التوبة. Il ne peut pas entrer à la Mecque. Allah dit, c'est dans la traduction du sens est, ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira s'il veut de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Et c'est la traduction du sens de Surat Tawbah, verset 28. Donc, Cheikh, il dit, فَمَنْ صَرَفَ شَيْئًا مِنْ عِبَادَتِي لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ طَافَ بِالْقَبْرِ تَقَرُّبًا لِمَيِّتٍ أَوْ لِمَلَكٍ أَوْ جِنٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ شِرْكًا أَكْبَرَ يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ قَالَ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Cheikh, il dit, donc celui qui détourne un acte d'adoration, le vouant pour autre qu'Allah. Parce qu'on avait dit que les actes d'adoration sont un droit, hein, exclusif de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est ça le sens de quoi? La ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré, hein, à part Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et pas comme ils disent dans certains livres, on voit quoi? Il n'y a de divinité que Dieu. Hein? Où il n'y a de créateur que Dieu. Comme les Jama'at Tabligh expliquent la ilaha illallah, il n'y a de créateur que Dieu. Est-ce que le mushrikine à l'époque du prophète, ils ne croyaient pas en ça? Hein? Non, la définition correcte, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Donc on a dit, donc celui qui détourne un acte d'adoration le vouant pour autre qu'Allah, comme celui qui immole pour autre qu'Allah, ou la circumambulation, c'est un nom un peu compliqué peut-être en français, hein? C'est le mot que j'ai trouvé le plus circum, le cercle de, c'est un mot qui existe en français, ne vous inquiétez pas, hein? Walakin, c'est quoi en fait? Je vous donne la définition, même si vous voulez, en langue française, vous pouvez regarder dans les dictionnaires. C'est une pratique religieuse consistant à faire le tour de quelque chose. C'est quoi en arabe? Tawaf, d'accord? Donc nous on va utiliser ce mot là circumambulation autour d'une tombe en guise d'adoration pour un mort ou ange, ou un djinn, et autres, aura alors associé à Allah, de quelle association? Majeure, alhamdulillah, qui fait sortir celui qui la commet de la religion. Allah dit ce dont la traduction du sens est, accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Hein, c'est un verset clair qui dit que Nahr et Salah, et tous les actes d'adoration doivent être voués de manière exclusive. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Kawthar, verset 2. Puis Cheikh dit, كذا من دعا الأموات واستغاث بهم أو نذر لهم لأن هذه عبادات لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. قال تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سورة الأنعام. وهذا هو موضوع هذا الناقد. Parce que vous rappelez, c'est important que talib ilm ou celui qui essaie d'être un talib ilm, il soit quoi? Il a un esprit de synthèse. Quel dars on est en train de faire ici? Non, ça je sais, mais c'est un peu trop général. Elle se n'aime bien le tofsil. Hein? Ah, Hassan. Parce qu'on a fini la traduction maintenant dans tout ça, ce qu'on est en train de dire, c'est dans le premier naqid. Et c'est quoi le premier naqid? D'ailleurs, j'ai conseillé de quoi? D'étudier le matn par cœur. C'est quoi le premier naqid? Qui connaît le livre? Ou la première partie du livre? Ou qui l'a pas oublié? C'est ça la question. Hein? Et quoi? Hein? Vas-y. Bon, juste la partie de naqid, quoi. C'est quoi le premier naqid? C'est ça le mot du dars. Regardez, ça rejoint ce qu'il dit. Il dit, وَهَدَا هُوَ مَوْضُ عَدَا النَّاقِدِ. Et c'est ça le sujet de cet annulatif. Et Cheikh, il dit, وَهَدَا الشِّرْكِ لَا. Et là, on revient au tekfir moyen. Parce que là, on a compris. Ça, il faut que ce soit bien clair. On parle de quoi? Des shirk akbar, le kufr akbar. si un musulman il commet la grande association ou la grande mécréance, est-ce que c'est toujours un musulman? Là, non, il sort de l'islam, on l'a dit, il est voué éternellement à l'enfer, et on doit le séparer de son épouse, et quoi, on n'hérite pas de lui, il n'hérite pas, etc., etc., etc. Mais ça c'est de manière générale, d'accord? Maintenant, il y a un musulman qui commet un acte de mécréance, ou un acte majeur, ou un acte d'association majeur, est-ce qu'on le juge de manière spécifique comme étant un mécréant? Naam, avec des conditions. Hein? Et c'est pas à nous de le faire, comme on l'a déjà dit dans la 15e règle, c'est quoi? C'est aux gens de science. Et quand on utilise ces règles-là, on voit que c'est trop compliqué pour nous, hein? Et qu'on, donc, on doit revenir aux gens de science. D'accord? Si on, déjà, on fait pas une fatwa, parce que, déjà, on connaît pas l'ahkam, comme dit Cheikh Saleh Ali Shir, il y a des frères, ils connaissent même pas ahkam salat tafsiliya, ou ahkam tahara tafsiliya, hein, et ils se permettent de donner des fatwa dans le tikfir. Les tafsir, les détails dans certains jugements de la tahara et de la salah, et puis après le tekfir, on y va. Hein? Kif. Ou bien dans le divorce. Ah là, moi je parle pas de ça. Akhi, j'ai fait ça dans ma salah, je la refais ou pas? Akhi, moi je sais pas. Monsieur, ah c'est un kafir, ouais. La kif. Alors que le kafir, le tekfir, il est encore beaucoup plus dangereux. Avec, on a vu toutes les conséquences que ça a. D'accord? Regardez ça, on va bien résumer ça ici pour que ce soit pas mal compris dans un sens ou dans l'autre. Hein? Parce qu'on a dit, Cheikh Saleh Ali Shir, on l'avait traduit ça dans le 7e cours. Il a dit, c'est pas qu'on dit comme certains, non, il n'y a pas de tekfir. Hein? Là, comme j'ai dit quoi, Ahl Sunna toujours? Wafat. Il dit, wa hada shirk la yuhkamu bi ala l'insan, illa ba'da qiyam al-hujjati, bi thubuti shurutin wa intifa'i mawani'a. Wa ha'ula alladhina yatufuna hawla al-qubur. Là, c'est pas moi qui dis, c'est Cheikh, textuellement, je lis Cheikh Bezmoul. Cheikh Mohamed Ben Omar Bezmoul. Hein, qui fait partie des ulama, hein, qui est actuellement encore à la Mecque. D'accord? Et d'ailleurs, le Cheikh de son propre frère, qui est un alim aussi, qui? Cheikh Ahmed Bezmoul. Hafidahumullah jami'an. Hein? وهؤلاء الذين يطوفون حول القبور ويذبحون لها وينذرون لها ويصلون إليها إلى غير ذلك من مظاهر الشرك الأكبر يحكم أن عملهم شرك أكبر. Puis Cheikh il dit en bas de page, Raji' al-dhabit al-sadis min dhawabit al-takfir fi ma taqaddama awal al-sharh. Et voyez l'importance de prendre l'ilm, et surtout l'aqida des ulama. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'ilm, évidemment, ils ont une méthodologie. Là, il a établi des règles dans le takfir, et chaque fois il te renvoie vers une de ces règles-là, qu'il a déjà établie pour toi, qui était déjà expliquée. Il a dit ici, on va voir ça après en français, Inch'Allah, وَهَلْ يُحْكَمُوا عَلَىٰ أَعْيَانِهِمْ. Ce qu'on appelle quoi takfir? Al-mu'ayyan. C'est-à-dire que Foulan, Mohamed ibn Foulan, Zayd ibn Foulan, un tel parmi les gens. بِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ خَارِجُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ. Il pose la question, les chers, ici. Je lis la question en français. On n'avait pas lu le reste sur le verset sur l'An'am en français, tout ça, non? Il a dit, les chers, et de même celui qui invoque les morts et leur demande secours, ce qu'on appelle istiratha. Il y a une différence entre l'istiratha et l'isti'ana. On dit Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. C'est quoi la différence entre les deux? J'avais déjà expliqué dans plusieurs cours. Hein. Pour les anciens là. Hein? L'ghawth. Ahsan. L'istiratha, c'est talab l'ghawth wa huwa izalatu shidda. Dans une situation de difficulté. Tu demandes l'aide d'Allah, tu implores secours dans une situation de difficulté. D'accord? L'isti'ana, c'est talab al-aoun. Et l'autre, c'est talab al-ghawth. Donc on a dit, et de même celui qui invoque les morts et leur demande secours ou leur voue des vœux, car ce sont des actes d'adoration qu'il est interdit de vouer à autre qu'Allah. Allah dit, c'est dans la traduction du sens, dit en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Le verset est wadih, il est clair. Hein? Surat al-An'am, verset 162. Et c'est cela le sujet de cette annulatif. On avait déjà lu ça. Mais écoutez ce qu'il va dire. Et là, on va parler du tekfir mu'ayyan. Et on ne juge de cette association au sujet de l'individu spécifique qu'après lui avoir établi les preuves, ce qu'on appelle iqam al-hujja, par la réunion des conditions, tawafur al-shurut, et l'absence des barrières. Hein? Izalat al-mawani'. Cher, on pourrait faire des dizaines de cours sur ces règles-là. D'ailleurs, Cheikh Abou Oussama Al-Utaybi, hein, il a plusieurs cours. Et d'ailleurs, il écrit beaucoup sur ce sujet-là, sur les frères qui tournent autour de ce Masa'il-là, hein, sur le Haddadia qui tourne autour de ce Masa'il-là, etc. Hein, lisez ces maqalat pour les frères qui ont l'arabe, lisez. D'accord ? Si vous voulez, même une fois, on peut s'organiser, on venait chez moi à la maison, on l'appelle ensemble et on peut poser des questions vis-à-vis de ce, hein, de ce Masa'il-là, etc. D'accord ? Hein, lisez, Cheikh Raslan, il a deux vidéos complètes, il a un livre complet sur Dawab et Takfir Mu'ayyan, hein, les règles dans le fait de juger un individu spécifique comme étant un mécréant. Le Qawal Musla, le fameux livre de Cheikh Al-Uthaymeen dans l'Asma Sifat, il y a un chapitre entier qui est consacré sur le fait de juger l'individu spécifique. Cheikh Obed, il l'a expliqué, etc. etc. Hein, lisez là-dessus. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il donne un exemple par rapport au Shurut al-Mawani'. Il dit maintenant, quelqu'un, il doit hériter de quelqu'un, mais il y a un mani'. Est-ce qu'il hérite de lui? Il y a un empêchement, une barrière. Par exemple, quelle barrière pourra avoir? Ben voilà, c'est pas un musulman, ce qu'il va quand même hériter, même si c'est son fils, etc. Hein, il donne des exemples à ça. C'est quelque chose qui... Hein, c'est pour ça que les ulama, ils en parlent dans le Qawa'il Fiqhiyya. Cheikh Sa'di, rahimahullah, dans le Qawa'il Fiqhiyya, il dit « وَلَيَتِمُ حُكْمٌ عَلَى شَيْءٍ حَتَّ شُرُوتُ تَجْتَمِعْ وَالْمَوَانِعُ تَرْتَفِعْ » C'est pour ça que c'est important d'étudier en tant que salafi le Qawa'id, l'usul, etc. Hein, parce que c'est des notions dans lesquelles dont on a besoin. Donc, Cheikh, il dit, et on ne juge de cette association au sujet d'un individu spécifique qu'après lui avoir établi les preuves par la réunion des conditions. Les réunions doivent être, les conditions doivent être quoi? Réunies, tawafur shurut, et l'absence des barrières, ou en français on peut dire des empêchements, ce qui t'empêche de faire le tekfir, ce qui t'empêche de poser ce hukm sur un individu spécifique. Il y a des barrières, parmi elles l'ignorance, parmi elles l'ikrah, c'est-à-dire qu'il soit contraint, par exemple, etc. Il y a d'autres mawani', hein. Cheikh, il dit, et ceux qui font, c'est les mots du Cheikh, c'est pas les miens ici, la circumambulation, c'est-à-dire quoi, tawaf, autour des tombes, et immole pour eux, et vous des vœux pour eux, et leur voue, leur prière, ainsi que d'autres manifestations de l'association majeure, leur action est jugée comme étant une association majeure. Et il renvoie à la sixième règle du tekfir qui ont précédé au début de cette explication. D'accord? Maintenant, il pose la question. Il dit, et les juge-t-on en tant qu'individu de manière spécifique qu'ils sont des associateurs qui sortent de l'islam? Maintenant, on est d'accord que telle chose, c'est un kofr majeur, mécréance majeure. Telle chose, c'est quoi? Une association majeure. Maintenant, la personne qui la commet, est-ce qu'on la juge de manière spécifique? Cette personne-là, pas de manière générale, itlaq, pas le hukm mutlaq, on parle du hukm mu'ayyan ici. Est-ce que l'individu spécifique, on le juge comme étant sorti de l'islam? La réponse du shir. Al-jawab. La talazuma bayna al-hukmi bi kufri al-qawli aw al-amal wa bayna takfir ashabihima. Et puis il dit, raji' al-dabit al-thamin min dawabit التكفير المذكورة أول الشرح إذ قد يقوم موانع تقوم موانع تمنع من تكفير معين وذلك أن الحكم بتكفير معين لا بد فيه من قيام الحجة بثبوت شروط وانتفاء موانع كما سبق تقريره في ضوابط التكفير في الضابط السابع. Écoutez cette phrase-ci maintenant. Hein? فهؤلاء ما دام أنهم أعلنوا أنهم مسلمون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالاصل الا نحكم بكفرهم حتى تقام عليهم الحجه وتثبت الشروط وتنتفي الموانع. D'accord? Il y en a certains, ils vont vous dire, si tu dis ça, t'es un mourji. Attention, hein? Cheikh, il dit, la réponse, le jugement de mécréance sur la parole ou l'action n'implique pas nécessairement. Ça peut, on a dit quoi? Si les, hein, les conditions sont là, khalas. Et c'est un alim, il dit, voilà, khalas, il est un kafir, lui. Nous, on n'a plus rien à dire, alhamdulillah. Hein? D'ailleurs, vous voyez bien que, on a bien dit que, à l'époque, l'imam Ahmad, vous vous souvenez de, c'est un exemple que les ulama donnent. Est-ce que l'imam Ahmad, il a fait le tekfir sur tous ceux qui ont dit que le Coran était makhlouq? Non. Alors que le fait de dire que le Coran est makhlouq et créé, c'est une parole de mécréance, bilashak. On est d'accord avec ça. Hein? La position des gens de la Sunna, c'est de dire quoi? Le Coran, kalamullah, ghayru makhluq. Faut pas se taire, hein? On a déjà dit ça plusieurs fois. Wala taku bil waqfi qa'ilan. Hein? On a dit quoi? Elle a dit, le Coran, c'est la parole d'Allah et il n'est pas créé. C'est ça que tu dois dire. Apprenez ça à vos enfants, à vos femmes, etc. D'accord? Ça, c'est la position à l'unanimité des gens de la sunna du consensus. Et c'est la position pour laquelle l'imam Ahmed a été torturé. Est-ce que vous savez que l'imam Ahmed, quand, en hiver, quand il faisait froid, il criait de douleur? Pourquoi? Parce qu'il avait, mal dans ses membres et dans ses os des tortures qu'il avait eues précédemment. Et il ne se calmait que quand on lui mettait de l'eau chaude sur ses blessures, sur ses membres. Hein? Rahmatullah alayh. On avait, pour les frères qui ont écouté le dars que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur la radio sunna publication, hein, et via Pal Talk, qui s'appelle Ô toi qui es sur la sunna, dans les fitanes, dans les troubles, dans les épreuves, prends-toi ou donne-toi un cœur de fer. On avait cité que l'imam Ahmed rahimahullah, il était déjà connu avant la mihna, mais il était encore plus connu après la mihna. Akana yu'arafu Ahmed, vous souvenez ça, hein? Akana yu'arafu Ahmed, est-ce qu'Ahmed était connu avant? C'est Abu Hatim qui a demandé à qui? Ibn Abi Hatim qui a demandé à qui? Abu Zur'a. Il a dit que l'imam Ahmed était connu avant la mihna. Il a dit na'am, kana yu'araf. Walakin irtafa'a dhikruhu ba'da al-mihna. Walakin sa renommée, elle a grandi après la mihna. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a élevé. Parce qu'il a patienté. Il a sacrifié sa personne. Il a sacrifié son honneur. Il a sacrifié, pour défendre le mu'taqad d'Ahl al-Sunnah al-Jama'a. Et nous, maintenant, nous, on doit suivre l'exemple de ces imams-là. On ne rapporte pas ça comme des histoires qu'on entend. Là, c'est pour prendre exemple sur ces ulama, qu'on ne sont pas laxistes vis-à-vis du ménage salafi. Hein? Et quand on dit qu'on ne sont pas laxistes, c'est les frères et les sœurs. Hein? Parce qu'on parle toujours des frères, etc. Mais que les sœurs, c'est la même, alhamdoulilah, le dîn, il est pour tout le monde. Le ménage salafi, il est pour tout le monde. Hein? Qu'on ne se retrouve pas, que nos sœurs, certaines de nos sœurs ne se retrouvent pas en train de manger des pâtisseries, boire du café, avec des sœurs, des hisbiettes qui rapportent des choubouettes, comme ça. C'est un, hein? Subhanallah l'adim. Il faut des dawabit. Dans le mu'amalat, Ahl Sunnah, ils ont des dawabit. Il y a différentes catégories de personnes, différentes manières de se comporter vis-à-vis des différentes catégories de personnes. Donc on a dit quoi ici? Le jugement de mécréance sur la parole ou l'action n'implique pas nécessairement de juger la personne qui les a commises comme étant mécréante. Puis il renvoie à la huitième règle. Car il se peut qu'il y ait des empêchements aux barrières qui empêchent de juger la personne de manière spécifique. D'accord? On avait cité un hadith. On avait même cité plusieurs preuves par rapport à ça. On avait dit quoi? Un mani'a, par exemple, c'est quelqu'un lam yaqsud. C'est-à-dire le qasd, c'est un shart. Que la personne fasse une action de manière intentionnelle, c'est une condition. Et un mani'a qui lui fait face, c'est par exemple quoi? Hein? Qu'il fait les choses par khata. D'accord? Hein? C'est-à-dire qu'il fait les choses par erreur. On avait cité un exemple. C'est quoi l'exemple du fameux hadith de celui qui a perdu? Hein? Voilà, c'est ça. Et qui a perdu sa chamelle. Et quand il attendait la mort, hein, khalas, t'as perdu ta chamelle avec tous tes vivres dans le désert. Khalas, tu attends la mort. Hein. Et puis la vie à côté de lui, il était tellement joyeux qu'il a dit, oh Allah, je suis ton Seigneur et tu es mon serviteur. Et c'est qui a dit ça? Akhta'a, comme l'a dit le frère, justement. Akhta'a min shiddatil farah. Regardez, c'est le mot comme il est clair. C'est qui a dit ça? Le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, il a commis une erreur en raison de sa grande joie. Est-ce que maintenant on va aller faire le tekfir? Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il y a un mani'a. C'est juste pour vous expliquer, encore une fois, illustrer c'est quoi un mani'a. C'est une parole de couvre, mais il y a un mani'a. Lui, il n'a pas eu l'intention de dire ça. Il était tellement content qu'il n'a pas fait attention à ce qu'il a dit. Lui, il a voulu dire le contraire et s'est trompé. Il a dit, hein? Donc voilà, ça c'est par exemple un exemple de mani'a. Eh bien, cher, il dit, car il se peut qu'il y ait des empêchements ou barrières qui empêchent de juger la personne de manière spécifique, comme étant mécréante. Et cela, car juger un individu spécifique comme étant mécréant requiert obligatoirement d'établir les preuves par la réunion des conditions et l'absence des barrières. Comme cela a été établi précédemment dans la septième, dans la huitième règle, on a dit c'est quoi? Cheikh, il dit ici, septième. Dans la septième règle parmi les règles du tekfir. Cheikh, il dit, écoutez cette phrase, elle est importante. Et on arrive petit à petit à la fin du cours. Donc, ceux-ci, tant qu'ils ont signifié qu'ils sont musulmans, et qu'ils attestent que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors la base est que nous ne les jugeons pas comme étant mécréants tant que les preuves ne leur ont pas été établies, et que les conditions soient réunies et que les barrières soient levées. C'est pas moi qui dis ça. C'est Cheikh Mohammed bin Omar Bezmoun. Hein? Non, c'est quelqu'un, il n'a pas compris cette parole, ou il n'est pas d'accord. Hein? Je lui donne le numéro du Cheikh s'il veut, il n'a qu'à l'appeler, ou il n'a qu'à aller prendre Omar, il n'a qu'à aller le voir. Si quelqu'un venait à dire, le Cheikh, il dit, il y a des savants qui les jugent mécréants. Regardez le bon tarbiyah, parce que, hein, il y en a, ils jouent un peu là-dessus. Vous savez l'importance de faire ce genre de livre-là. D'accord ? Il y en a, ils essaient d'utiliser un certain genre de divergence entre les savants pour dire que quoi que, il ne faut pas revenir aux fondements qui sont établis des gens de la Sunna du consensus par rapport au tekfir. Attention à ça. C'est pour ça que j'ai dit que le discours de certains, il est vicieux. Il ne faut pas parler de le tekfir avec n'importe qui. Toi, tu prends des ulama et khlas. Cheikh, il dit, écoutez, il dit, regardez la belle question. فَإِنْ قِيلَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ كَفَّرَهُمْ. Si maintenant quelqu'un venait à dire, il y a des savants qui les jugent mécréants. Regardez la réponse du Cheikh. فَنَقُولْ الَّذِينَ كَفَّرُوا هَؤُلَا رَأَوْا أَنْ هَؤُلَا تَحَقَّقَ فِي حَقِّهِمْ قِيَامُ الْحُجَّةِ فَهُمْ غَيْرُ مُكْرَهِينَ غَيْرُ جَاهِلِينَ وَيَقْصُدُونَ هَذِهِ الْأَفْعَالَ وَيُكَرِّرُونَهَا فَهُمْ غَيْرُ مُخْطِئِينَ وَغَيْرُ مُتَأَوِّلِينَ فَزَالَتْ مَوَانِعُ التَّكْفِيرِ وَتَحَقَّقَتْ شُرُوطُهُ فَهُمْ كُفَّارٌ ولا يعذرون بالجهل لان المقصود بالجهل الذي يعذر الانسان به هو الذي لا يكون بتقصير منه ويكون هذا مبلغه من العلم وهؤلاء تتيسر لديهم وسائل الاعلام المختلفه ويسمعون تقرير اهل العلم لبطلان ما هم فيه وهؤلاء لم يطلبوا العلم الواجب بتحقيق شروط لا اله الا الله فكيف يعذرون بالجهل شيخ الدين. Réponse à la question qui était quoi ? C'est quelqu'un venait à dire, il y a des savants qui les jugent mécréants. Nous disons, ceux qui jugent ceci mécréants voient qu'à leur sujet, l'établissement des preuves a été réalisé. Et que donc, s'ils ne sont pas contraints, et qu'ils ne sont pas ignorants, qu'est-ce qu'il est en train de citer le cheikh ici ? Des mawani'a. Hein ? Donc, il voit que ce groupe de ulama-là, il voit que les mawani'a, elles sont levées et que les conditions sont réunies. Donc, ils disent quoi ? Kuffar. Hein, on va revenir à ça. Et vous allez voir qu'en fait, est-ce qu'il y a une divergence dans l'usul entre les ulama ? Là. Il y a une divergence dans quoi ? Dans ? Hein ? On va voir ça dans un instant, Charles. Ceux qui jugent ceux-ci mécréants, on voit qu'à leur sujet, l'établissement des preuves a été réalisé. Et que donc, ils ne sont pas contraints, et qu'ils ne sont pas ignorants, et qu'ils font ces actes de manière intentionnelle, et les répètent, et que donc, ils ne le font pas par erreur. Hein ? C'est-à-dire d'une manière intentionnelle, qu'ils ne le font pas, qu'ils le font délibérément, ils le font de manière intentionnelle. Et qu'ils n'ont pas de fausse interprétation, ce qu'on appelle quoi ? Ta'wil. Et que donc les barrières qui empêchent le tekfir sont levées, et que les conditions du tekfir sont réunies, et que donc ils sont mécréants. Ça c'est le premier groupe de savants. Ils disent quoi ? Que les conditions sont réunies, et les barrières sont levées. Donc ils sont quoi ? Mécréants. Maintenant l'autre. On parle spécifique ici, attention, hein. Spécifique. Sinon, de manière générale, ils disent tous quoi ? Hein ? Khalas, que c'est des mécréants. Yara anna ha'oula mu'adhuruna bil jahl. Li'annahum in, wa in tayassarat lahum subulul ilm wa sama' lima yuqarrihu l'ulama kharija biladihim, illa annahum mubtaluna biman hum, indahum ulama, yuzayyinuna lahum hadhi l'aqwala. وهذه الأقوال وهذه الأعمال التي هي من شرك العبادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. Cheikh il dit, tandis que ceux Cheikh il dit, par rapport au premier groupe qui juge mécréant, il dit, ils ne sont pas excusés par l'ignorance, car ce qui est entendu par l'ignorance, par laquelle une personne est excusée, c'est celle qui n'a pas dû un manquement de sa part. Et que donc, c'est cela la science qui lui soit arrivée. Tandis que ceux-ci, les différents médias leur sont disponibles. Ils entendent les gens de science établir que ce sur quoi ils sont est faux. Et ceux-ci n'ont pas cherché la science qu'il leur est obligatoire d'acquérir afin de réaliser les conditions de l'attestation qu'il n'est en droit d'être adoré par Allah. Donc, Chiré dit, comment pourrait-il être excusé par cette ignorance alors qu'il ne cherche pas l'ilm ? Alors que l'ilm, il aurait facilité. Puis il parle de l'autre groupe de savants, il dit, et ceux qui n'ont pas jugé ceci comme étant mécréants, de manière spécifique, voient qu'ils sont excusés par l'ignorance. Car même si les voies de la science leur ont été facilitées, ainsi que le fait d'entendre ce qu'établissent les savants en dehors de leur pays, d'accord, donc ils entendent, ils sont dans certains pays, ils entendent les savants, par exemple en Arabie Saoudite, les ulama qui parlent de Tawhid, etc., ils entendent ce qu'ils disent. Hein? Mais ils sont éprouvés par ceux qui, chez eux, sont considérés comme des savants. Et qu'il embellisse ses paroles et ses actions qui font partie de l'association dans l'adoration. Et il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Hein, comme ils leur disent quoi ? Ils leur disent, non, c'est pas shirk, c'est tawassul ça. Hein, etc. D'accord ? Il ne faut pas écouter ces wahhabis. Hein ? Cher, il dit, et là il va résumer. Donc la divergence, elle réside en quoi? Moi je vous pose la question. La divergence, elle réside en quoi? Est-ce qu'elle réside dans le fait qu'il y a des ulama qui disent non, il n'y a pas de conditions, pas de mawani, vas-y fais le takfir. Hein? Et il y a d'autres qui disent non, il y a des conditions, il y a des empêchements. Est-ce qu'elle réside là-dedans? Non. Si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup. Parce que c'est là qu'il y a certains qui essaient de rentrer. Et c'est d'établir dans ton esprit qu'il y a certains ulama, ils ne font pas toutes ces règles. Hein? Attention à ça. Ici, le shir, qu'est-ce qu'il dit? Et ça, le résumé. فالقضيه هنا اختلاف اختلافهم في تحقيق المناط فهم متفقون على العذر بالجهل c'est ce que dit Cheikh Mohamed Al-Aqil il dit l'udr bil jahl c'est une question usulia et tous les ulama sont d'accord là-dessus Cheikh Mohamed Al-Aqil il dit on va traduire ça sur le site inchallah c'est un truc que je compte traduire bientôt hein parce que c'est important il dit Cheikh Mohamed Al-Aqil hafidhahullah parmi les enseignants de l'université de Médine hein qui est un spécialiste dans l'aqida il dit les ulama ils sont tous d'accord sur l'udr bil jahl mais ils sont Ils divergent sur qui est excusé ou pas. Vous comprenez ou pas? Ils disent, mais il y a certaines personnes qui utilisent cette udr bil jahl pour diviser les salafis, et vraiment, ils ont divisé. C'est la même parole que Cheikh Rabia. D'accord? Donc, Cheikh Bazmoul, ici, il dit quoi? Il dit, ils sont unanimes. Donc l'affaire ici, il parle de la divergence, comprenez bien ça. La divergence réside dans quoi? Dans la concrétisation de la cause. Ils sont unanimes, les ulama, sur l'excuse par l'ignorance. C'est pas moi qui dis, c'est Cheikh qui le dit. Ils sont unanimes sur l'excuse par l'ignorance. Ils sont unanimes sur l'établissement des preuves. Iqamat al-Hujjah. Donc c'est là qui vous dirait pas Iqamat al-Hujjah déjà, hein? Ils sont unanimes sur la demande de la réunion des quoi? Des conditions. Ils sont unanimes sur le fait qu'il faut que les barrières soient levées. Intifa al-mawani'a. Afin de pouvoir juger un individu spécifique comme étant mécréant. Et la divergence, Cheikh, il dit. Wa mahal khilaf fi tanzili hadi al-umur ala al-waqi'. Et c'est ce qu'Abu Khadija a bien soulevé dans la khutbah d'ailleurs. Donc ils sont d'accord sur ces qawaïd-là. D'ailleurs, dans les ulama, dans leurs livres, ils disent dans les règles, les fondements d'Ahl Sunnah al-Jama'a dans le takfir. Cheikh Khalid Abu Abla Ala, Khalid Uthman al-Masri, pas Khalid Abdurrahman, il y a deux cheikhs, sont tous les deux salafis. Hein? Il y a Cheikh Khalid Abu Abla Ala. Il a un livre auquel je fais référence souvent, c'est Al-Kawashif al-Jaliyah. C'est-à-dire les choses qui dévoilent de manière ouverte les différences, c'est-à-dire les différences claires qui dévoilent les da'wat hizbiyah de la da'wat salafiyah. Il y a des choses comme ça, des signes distinctifs par lesquels tu peux voir un hizbi d'un salafi et tu peux voir un salafi d'un hizbi. D'accord? Il faut les connaître. C'est important pour un salafi de connaître. D'accord? Les gens de la sunna comme Sabouni l'a bien montré dans tous les akhidas, vous trouvez ça. Ils ont des quoi? Des signes distinctifs. Et les gens de la bid'a, ils ont des signes distinctifs. Eh bien, il dit dans le Kawashif al-Jaliyah, il y a un chapitre entier sur le takfir. C'est un des Kawashif, ça, le takfir. Si tu veux voir, ça va, si c'est quelqu'un, c'est un salafi, un des chapitres, où tu vas voir s'il va être un salafi ou pas, c'est tout ce qui concerne le takfir. Hein? Cheikh, il dit, et la divergence réside dans l'application de ces choses sur la situation. Puis il va dire deux choses. Et il résume. Certains parmi eux, parmi qui? Parmi les ulama, pas par rapport au juhal. فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنْ هَذَا الْوَاقِعَ تَحَقَّقَتْ فِيهِ الشُّرُوطِ وَانْتَفَتْ فِيهِ مَوَانِعُ التَّكْفِيرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنْ هَذَا الْوَاقِعَ لَمْ تَتَحَقَّقْ فِيهِ الشُّرُوطِ وَلَمْ تَنْتَفِي فِيهِ الْمَوَانِعُ الْحَاصِلِ Puis il va apporter la conclusion. Donc certains parmi eux, parmi les gens de science, voient au sujet de cette situation que les conditions sont réunies et que les barrières du takfir sont levées. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils sont, de manière spécifique j'ai dit, qu'ils sont mécréants. Et certains parmi eux voient au sujet de cette situation que les conditions ne sont pas réunies et que les barrières ne sont pas levées. Maintenant, quand c'est l'un ou quand c'est l'autre, ce n'est pas à nous de décréter ça. C'est trop compliqué pour nous. Hein? Et d'ailleurs, un des signes des gens qui trouve ça facile, il dit maintenant tu peux faire le takfir, où est le problème, etc. C'est des gens, ils n'ont pas étudié l'aqida. Parce qu'une des fawaïd d'étudier l'aqida, c'est que tu comprends que c'est déjà un peu, hein, c'est très détaillé, c'est très précis, et que c'est pas à des gens comme nous d'en parler de nous-mêmes. En résumé, le chéri, والحاصل أن من وقع منه الشرك في العبادة بأن صرف شيئا من العبادة لغير الله فذبح لغير الله أو تقرب بعبادة لقبر أو لميت أو لضريح فهو قد فعل فعلا من الشرك الأكبر ولا يحكم عليه بعينه أنه كافر مرتد خارج عن الإسلام حتى نتحقق من توفر شروط وانتفاء موانع من أجل إقامة الحجة فإن قامت عليه الحجة حكمنا بردته وإبطال إسلامه وتركه لدينه وخروجه منه. La conclusion, hein? Celui qui tombe dans l'association, dans l'adoration, en voit un acte d'adoration à autre qu'Allah, et immole pour autre qu'Allah, ou voit un acte d'adoration pour une tombe, ou un mort, ou un tombeau, aura alors commis une association quoi ? Majeure. Et il n'est pas jugé de manière spécifique comme étant un mécréant apostat sortant de l'islam tant que nous ne sommes pas sûrs que les conditions soient réunies, sont réunies et que les barrières sont levées en raison de l'établissement des preuves. Et si les preuves sont établies, alors nous le jugeons comme étant un apostat et son islam comme étant annulé et comme ayant laissé sa religion et comme en étant sorti de sa religion. Et c'est qui décrète ça? Le ulama. Comme on avait dit, Cheikh Saleh Al-Ishir, il avait dit qu'il te suffit pour toi de croire que telle personne qui fait un acte de mécréance majeure est un kafir, ou telle personne qui fait un acte d'association majeure est un mouchrik, pour que ta aqida soit préservée. Tandis que le fait de juger un individu spécifique, ça rentre dans le fiqh, ça. Et ça revient au qudat et au muftoun, le mufti, le qadi, le juge. Ça revient pas à toi ou à moi. Hein? Pourquoi? Parce que sinon, imaginez, ça revient à n'importe qui, quel fawda ça va être. Hein? Non, c'est pour ça que les ulama ont raison de beaucoup de livres ou de cassettes qui sont appelés comment? Khatar at-tasarru' fi at-takfir. Le danger de se précipiter dans le takfir. Parce qu'il y a un danger à ça. Et de faire le takfir avec ignorance, de se précipiter, et de vite juger les gens, etc. Et subhanallah, certaines personnes, ils ont quoi? At-tabdi' 'indhum 'azim wa at-takfir 'indhum hayyin. Oh, tu juges que... Même pas toi-même. Tu dis, ah, Alim, il a dit que Foulam Moubtadi. Oh, tu peux pas, khitaqillah. Attel kafir, ma'alish. Et c'est quoi le plus grave? D'accord? Donc, on a fini avec ça, le cours d'aujourd'hui. Il était un peu incomplet, parce que, pour être honnête, j'étais très très occupé, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a commencé le dars en retard aussi, ces derniers jours, à la Koulihad, et en plus j'ai raté un petit passage du livre. Inch'Allah, je le ferai comme on fait d'habitude. C'est pour ça que j'ai dit que le PDF, je ne le mets jamais directement avant le cours. Pourquoi? Parce que moi, quand je fais le cours, des fois, je vois des corrections à faire, hein, etc. On est des êtres humains, et si vous saviez, on est dans l'état dans lequel je fais les cours, des fois, etc., la vitesse à laquelle je dois les faire, hein, des fois, on rate des mots, des fois, on doit corriger des mots, des fois, d'orthographe, etc., on doit rajouter des notions, etc. Donc, revenez toujours au PDF après le cours. Donc, si vous voulez, le PDF, c'est comme quoi? Hein, une correction, hein, du cours audio et de ce qui a été lu, etc. Ou une complétion de ce qui a été fait pendant le cours audio, etc. Wa jazakum Allahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanakum wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Par rapport au cours prochain, la base, la règle, l'asl, et on ne sort pas de l'asl avec, sauf avec un sarif, hein, avec un dalil, c'est qu'il y a cours jusqu'à preuve du contraire. Donc il y a cours, il n'y a pas cours. Non, je pensais qu'il n'y avait pas cours. Là, il y a cours jusqu'à preuve du contraire. Donc, s'il n'y a pas de preuve, il y a cours. D'accord? Ça, c'est compris? Hein? Alors, ça, c'est la deuxième truc que je voulais dire. C'est que je pense que c'est un peu tard maintenant. Surtout qu'à partir de demain, il va encore monter encore plus, l'Isha. Il va être à 21h. 21h45, donc il finira pas avant 10h. Donc, tu vas commencer un cours à 10h, tu vas pas le finir avant 11h30. Hein? Ça va être trop tard. Donc, le Maghrib, je pense qu'il va être vers... Maintenant, il est à 18h40, ça, 18, hein, plus ou moins, 18h40. Donc, la semaine prochaine, il va être à 19h40, Inch'Allah. Ben, peut-être à 20h, c'est-à-dire après le Maghreb, quoi. À 20h, c'est bien. Hein? 20h, heure anglaise, 21h, heure française, Inch'Allah. Et si je voyage pour quelques raisons que ce soit, on doit annuler le cours, ça, c'est un dalil. Et on sort du hasl. Et ce sera sur Twitter ou sur notre site, etc. Je sais que le site, on a eu un problème technique. Je ne sais pas si c'était un virus ou une attaque sur le site, etc. Il est nouveau en route, le site. Mais tous les fichiers ont été retirés du site. Et le frère, Jazallah Khairan, qui fait ça, en plus, il le fait, le frère, il est en train de remettre tous les fichiers sur le site. Hein? Il en a fait déjà pas mal, qu'Allah le récompense. En bien. Et donc, je sais que peut-être qu'il y a certains PDF sur lesquels vous risquez de cliquer, vous n'allez pas trouver. Hein? C'est pas qu'on cache l'ilm ou que ceci, mais hein, c'est juste qu'ils sont pas là pour le moment et Inch'Allah ils seront sur le site bientôt.